com 20 graus. Estão previstos 21 para Aveiro, 22 para Bragança, 23 para Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Viseu e também para Leiria, 25 para Braga e Coimbra, 26 para Lisboa e Porto Alegre, 27 para Castelo Branco e Faro, 28 para Setúbal, 29 para Santarém e 30 graus previstos amanhã para Évora e também para Beja. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine de métal du mardi soir. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après ces 8 mois d'interruption, et oui, presque le temps d'une gestation. Il faut dire qu'entre les confinements et autres couvre-feux d'hiver, on n'a pas eu tellement l'occasion de se retrouver, voilà. Donc j'espère que tout va bien pour vous et enfin qu'on puisse retrouver un petit peu le chemin des scènes et de s'éclater un petit peu la tronche et enlever le cérumen qui nous reste dans nos oreilles qui ont été bien encrassées ces derniers mois, croyez-moi. Donc, comme je vous le disais, je suis ravi de vous retrouver après toutes ces mois d'attente. Enfin, ça y est, c'est l'été et on va pouvoir peut-être un petit peu recommencer à avoir des concerts. Et là, Electric Shock, en tout cas, est reparti, j'espère, au moins jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, j'espère bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 mois? Alors, je me suis demandé qu'est-ce que je devais faire pour le programme. Est-ce qu'on devait reprendre les choses où elles en étaient arrêtées, donc le 20 octobre dernier, c'est-à-dire la dernière émission qu'on a faite ensemble, ou au contraire, faire une pause de tout ça et repartir à zéro avec ce qui s'est passé récemment? Eh bien, j'ai fait en fait un espèce de mix des deux. J'ai plutôt mis en avant quand même les dernières sorties, et je n'ai quand même profité pour ressortir quelques choses un petit peu plus anciennes qui sont sorties ces 8 mois, parce que vraiment c'était des gros coups de cœur. Alors voilà, eh bien ravi encore une fois de vous retrouver. Alors on aurait dû fêter les 15 ans là début novembre d'Electric Shock. Bon, malheureusement ça va plus se faire, comme là c'est la reprise, et eh ben on va les fêter là maintenant. Donc il y aura plein de cadeaux pour vous ce soir. C'est tout simple, il suffira d'appeler au 02 38 43 48 00. Voilà, ben j'espère que vous allez être nombreux à appeler. J'espère bien que le standard va chauffer, croyez-moi. Alors, on commence tout de suite maintenant, ce que vous dites, il parle, mais on a peut-être envie d'écouter de la musique après tout ce temps, et vous avez bien raison. Avec que ce soit, comme je disais, que de l'inédit, un album qui est sorti là mi-mai. C'est le deuxième album solo de Miles Kennedy, le chanteur donc d'Alter Bridge et de Slash. Évidemment, comme beaucoup d'artistes, il était coincé chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, tiens, je vais réécrire un deuxième album. Donc, 3 ans après Year of the Tiger, il nous est revenu avec ce nouvel album qui s'appelle The Ides of March. Alors, contrairement à son prédécesseur qui était très folk, très acoustique, et qui était très agréable à écouter, celui-ci, pour celui-ci, il a ressorti la distorsion, et Miles Kennedy a voulu nous montrer que il était aussi, même si c'est un très bon chanteur, aussi un très bon guitariste, tout en faisant quelque chose quand même malgré tout de différent par rapport à ces deux groupes habituels. On a envie de découvrir cet album The Ides of March, qui, croyez-moi, c'est un de mes coups de cœur de ce début d'année. Et je vous invite à découvrir tout de suite Sifting Through de Fine. Tell me us from our slumber in due time. To bring about the answers to believe in while we're still alive. Oh, my eyes. Ça aussi, c'est un de mes coups de cœur de ce début d'année 2021 et on commence vraiment cool ce soir. Ça, c'est Smith Cotzen, avec l'album éponyme, oui, sous l'association de Adrian Smith, le guitariste d'Iron Maiden, et le Richie Cotzen, dont on compte pas le nombre d'albums solo, ex Mr. Big, ex Poison, qui tous les deux aussi se partagent la guitare et le chant pour un album, côté un petit peu funky, très 70s, qui est vraiment très agréable et qui nous emmène assez loin de l'univers qu'on connaît du gars Smith. C'était Taking My Chances, ça c'est sorti fin mars. Juste avant, c'était le premier morceau de la soirée, le deuxième album de Miles Kennedy, The Heats of March, et le morceau Sifting Through the Fire, avec lequel Electric Shock numéro 664 a commencé. Comme maintenant nous sommes fin juin, bientôt début juillet, c'est bientôt les vacances, est-ce que ça vous dirait de faire un petit tour en Bulgarie? Moi j'ai bien envie d'y aller, et d'ailleurs l'ami Udo l'année dernière en a profité au mois de septembre 2020 pour faire l'unique concert de sa tournée, alors qu'il venait de sortir un album et il s'apprêtait à partir normalement en tournée avec Halloween. On aurait dû avoir ça à Paris à l'Olympia au printemps dernier, mais enfin bon, c'est peut-être que partie remise. Enfin bref, l'ami Udo Dirkschneider en a profité quand même, a eu l'opportunité de jouer à Plovdiv. J'espère que je prononce bien, dans le cadre d'un cadre superbe, un amphithéâtre romain, ça qui rappelle un petit peu les arènes de Nîmes, quelque part. Et en fait, comme c'était un concert unique, Udo Dirkschneider en a profité pour jouer pas mal de ses classiques et quelques morceaux d'Accept, bien évidemment. Et c'est quasiment un des rares albums live qui va sortir cette année, qui ne sera pas en stream, qui sera un véritable concert avec du public. D'ailleurs, quand on regarde le DVD, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que cet opus est également sorti en DVD, on voit un public qui est assis, mais qui n'a pas de masque et pas de distanciation spéciale. Donc cet album qui est sorti fin mars s'appelle Live in Bulgaria 2020 Pandemic Survival Show, il porte bien son nom. Et puis on va se mettre un classique d'Accept de Metal Heart, ça va nous faire toujours du bien ça. Un petit Midnight Mover. The Midnight Mover, yeah! Midnight Mover. Wrong Side of Midnight, Udo Dirkschneider, extrait de son dernier CD Live in Bulgaria 2020 Pandemic Survival Show, enregistré en septembre 2020, donc un des rares concerts qui a eu lieu pendant le Covid, voilà. J'arrive plus à parler. Et ben Udo, évidemment, va avoir une pensée pour notre ami Fred Malon, qui a longtemps été ici sur Radio Arc-en-Ciel avec son émission phare qui était Metal Maniac. Toute une génération, on n'oublie pas Fred. Udo, je pense que ça t'a fait plaisir là d'où tu es. Et un petit coucou aussi à l'ami Christophe, bien habitué aussi de Electric Shock et de Radio Arc-en-Ciel, qui a appelé tout à l'heure. Donc, bien sûr, il aura gagné un petit cadeau. D'ailleurs, si vous avez envie de faire comme lui, bah, il vous reste à faire la même chose, c'est-à-dire appeler au 02 38 43 48 00. Continuons aussi avec une de, je pense que c'est la grosse sortie de ce premier semestre 2021. Et c'est le nouvel album de Gojira, Fortitude, là, qui est sorti, je crois, fin avril. Album qui était très attendu et qui finalement a eu pour l'instant un joli succès. Gojira qu'on entend et qu'on voit même sur des chaînes de télé généralistes, à la grande surprise. Et qui, mine de rien, fait un bon petit bonhomme de chemin. Alors, pour être très franc, je vais vous dire que je ne suis pas un grand fan de Gojira, c'est clair. Même si j'ai toujours apprécié leur originalité, je trouve que c'est un groupe très performant sur scène, ils ont beaucoup de charisme, etc. Il y a des choses que je trouve très bien, il y en a d'autres que j'aime moins. Enfin, mais c'est juste, ce serait subjectif. Enfin, toujours est-il que si vous êtes fan, vous allez, et que vous ne connaissez pas encore Fortitude, le nouvel album, vous allez l'adorer. Et en tout cas, je crois que, même moi, là, je dois avouer que j'ai trouvé quand même de très très bonnes choses, comme toujours. Donc, on va se faire pour commencer le morceau Fortitude, qui est un petit instrumental, qui va vous rappeler un petit peu le Kaiowas qu'il y avait sur KOCID de Sepultura, avec une ambiance un petit peu tribale. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas, 02 38 43 48 00 pour les petits cadeaux. The Chant, tout simplement, et la petite intro instrumentale Fortitude, extrait donc de l'album du même nom, du dernier album de Gojira, où il y avait, comme je vous disais, des choses diverses et variées. Il y a même des morceaux, moi, qui m'ont fait penser à du Mastodon. C'est pour vous dire, quand même, il y en a vraiment pour tous les goûts dedans. Vraiment, je pense que ce sera un des musts de l'année 2021. Changeons de style, restons toujours avec du Made in France. Allons faire un tour de la région parisienne avec des vétérans de la scène punk des années 80. Et avec le groupe Frankistador. Frankistador donc existe depuis le début des années 2010. Ils ont déjà sorti un album en 2012 et leur deuxième, qui s'intitule New Eve, vient de sortir au mois d'avril. Donc, que dire de Frankistador ? Oh, c'est du punk rock avec un petit côté pop, pas désagréable du tout. Bref, c'est le genre de groupe à voir en concert. Bah, espérons que maintenant tout ça, ça se décante un peu et que on ait l'occasion de retrouver ce genre de groupe dans une petite salle enfumée. Allez, Frankistadors. Yeah. Octane, groupe qui nous vient de Laval, qui existe depuis une dizaine d'années. Son nouveau album, un EP, sorti au mois d'avril dernier, The Life I Choose. C'était le morceau Best Enemy. Juste avant Octane, de la région parisienne, c'était donc les Franquistadors et leur nouvel album New Eve, et le morceau New Eve, tout simplement. Un petit peu de black metal pour décrasser les tympans, ça vous va? Eh ben, pour ça, on va faire un petit tour auprès de troisième album de Sanctuary. Alors, Sanctuary, si vous tapez sur Google, groupe de metal Sanctuary, vous allez en trouver je ne sais combien de groupes qui s'appellent comme ça. On pense en particulier au plus ancien, le fameux Sanctuary des années 80, le groupe de Warhol Dane qui a donné après naissance à Nevermore. Non, celui-ci est bien français, il nous vient de la région parisienne. Ils existent depuis 2006. Et c'est leur troisième album qui s'appelle donc Résilience. Alors si vous aimez les genres de groupes de genre Anorexia Nervosa, Dimmu Borgir, vous n'allez pas être déçu. C'est du black symphonique. Il y a de très bonnes choses dessus. Il y a même des plans de piano un peu jazzy par moments. C'est du très très bel ouvrage. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a quelques mois dans Rockhard, d'ailleurs dans les groupes à découvrir, il y avait un petit encart les concernant. Donc extrait de l'album Résilience. Le morceau de ce soir, c'est High. The Resilient. Et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler au 02 38 43 48 00 pour un petit cadeau pour fêter les 15 ans d'Electric Shock, la reprise, les vacances, enfin tout ce que vous voulez, ou pour faire un petit coucou à votre animateur préféré. Voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. En attendant, Sanctuary. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez Electric Shock, l'émission qui grille les neurones. Là, on s'en est grillé un petit paquet avec le groupe de black metal Sanctuary et leur troisième album Resilience. C'était le morceau Eyes the Resilient. On continue avec un petit opus qui est sorti en fin d'année dernière, que j'ai reçu un petit peu par hasard en me demandant un peu ce que c'était. C'est le projet solo de Mike Lepon, le bassiste de Symphony X, qui a son autre projet qui s'appelle Silent Assassins. Et cet album s'appelle War of Babylon. Je dois avouer que quand j'ai reçu ça, j'étais un petit peu circonspect. Je me disais, qu'est-ce qu'il peut trouver à avoir à faire? Parce que déjà, Symphony X est quand même très riche musicalement. Et en fait, le gars, il se fait plaisir et... Il propose une vie, moins berlificotée, beaucoup plus directe. Et évidemment, avec la basse très en avance, ce qui paraît logique. D'ailleurs, par moments, on pense beaucoup au premier Manowar, à l'époque où le groupe n'était pas encore une auto-parodie. Et d'ailleurs, pour son groupe, Silent Assassins, il s'est associé au chanteur Alan Tecchio de Watchtower, donc des vocalistes très aigus qui font penser à Judas aussi. Bref, ça a été vraiment une agréable surprise de cette fin d'année. Et je suis ravi donc de pouvoir vous le faire découvrir. Donc le morceau extrait de l'album War of Babylon, qui est son deuxième, que j'ai sorti ce soir, est pas tout à fait représentatif du style de l'album en général. Là, il y a plutôt une ambiance un petit peu celtique. Vraiment, ça donne envie de faire la fête. Ça s'appelle Night of the Long Knives. Sent a message to the king. We came to fight for thy throne. You are free. Let us forget our quarrels of the past with the Saxon Briton feast. Come all for one, one for all. Grant us peace. Bring the sword. On the grass of the bluest sky, the good, the grand, and the great have arrived. Over the noise of joyous revelry, hear the Saxon stand and shout the fateful words of betrayal, loud and proud. Now Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ça, j'ai qu'une envie, c'est me lever, aller dans mon frigo, boire une bonne bière et danser dans le salon et puis bon, renverser un peu partout. C'est clair, mais enfin, bon, ça fait du bien. C'était Mike LePont, Silence Assassins, donc projet solo du bassiste de Symphony X. C'est son deuxième album War of Babylon qui est sorti en fin d'année dernière et c'était le morceau Night of the Long Knives. On va continuer avec une sortie posthume de Motorhead, une de plus. C'est vrai que si vous êtes fan de Motorhead, là, ces derniers temps, vous allez être gâtés, là, parce que bon, on a eu donc le CD-DVD live, Larger Than Noise, Live in Berlin, sorti au mois de mai, concert de 2012, dont on va vous passer un petit extrait à l'instant. L'heure du Disquaire Day, il y a eu aussi une très belle réédition du Saint-Valentin Day Massacre en picture disc. Et la semaine prochaine, la réédition dans un coffret collector du No Sleep, fameux No Sleep Till I'm Smith, remasterisé avec aussi les concerts intégraux desquels cette live mythique a été extrait. Donc si vous êtes fan de Motorhead, il y a vraiment de quoi faire. Enfin là, ce qui nous intéresse, c'est ce live Larger Than Noise, Live in Berlin, sorti là il y a quoi, un mois à tout casser, qui nous montre un Motorhead en fin de tournée un petit peu fatigué, mais enfin même du Motorhead un petit peu fatigué, c'est quand même façon de parler. Ça, quand même, ça arrache tout comme sur son passage, comme on va pouvoir s'en rendre compte sur le classique The Chase is Better Than the Cage, extrait de Ace of Spades. Et puis avant, on va laisser un petit peu l'ami Phil Campbell se dérouiller les doigts. Cooler. Thank you. Just have a drink. Make as much noise as you want when we have a quick drink, all right? That's better. Now then, this song is from Another Perfect Day. It's called Rocket. h 7 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bien sûr. Electric Shock attaque la deuxième heure donc de l'émission. Et en l'instant, on a eu donc deux petites beautés de Motorhead, Rocket de Another Perfect Day, The Chase is Better Than the Cage de Ace of Spades, tous deux donc extraits du Louder Than Noise Live in Berlin CD DVD sorti donc au mois de mai dernier. Ça va toujours. Je vous rappelle que si vous avez envie d'avoir un petit cadeau, il faut pour ça appeler au 02 38 43 48 00. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a que l'ami Christophe. Ne me faites pas croire quand même qu'il y a que lui qui écoute quand même, qui est appelé. Vous êtes trop timide. Non, mais vous pouvez appeler, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous bouffer. Il faut juste composer le 02 38 43 48 00 et il y aura un petit cadeau à rafler. Bon, en attendant que vous décidez, on va faire un petit tour du côté de Strasbourg. Je vous invite à découvrir le groupe Midnight Sorrow. Midnight Sorrow, c'est un groupe qui existe déjà depuis 10 ans maintenant, puisqu'ils sont formés en 2011. Ils ont déjà sorti deux albums, un EP en 2014 et leur premier album, Pick a Tail, qui est déjà sorti en 2017, mais en autoproduction. Là, il vient de ressortir là sous le label MNO. Alors, que dire de ce groupe? Parce que c'est un groupe de métal symphonique, encore un de plus, vous allez me dire, c'est vrai, mais bon, quand la qualité est là, il n'y a pas de problème. Avec un mélange, comme ça se fait de plus en plus, de vocaux gutturaux et de vocaux angéliques, enfin bref. Il y a du très beau boulot sur cet album, donc il s'appelle Pick a Tail, comme je vous le disais. Le seul reproche que je ferai à cet album, c'est un son de guitare que je trouve Un peu rugueux pour le style quand même, mais sinon il y a quand même un super boulot. Faut pas quand même oublier à la base que c'est quand même une autoproduction. Donc le morceau Glorious pour, et une petite intro, Prélude of the Night, pour se mettre dans l'ambiance. Et je vous rappelle, 02 38 43 48 00. The fury of the storm that forgets my name. I implore. Extrait de l'album Piquetel, les Strasbourgeois de Midnight Sorrow, le morceau Glorious et la petite intro, Prelude of the Night. Et ben, que pensez-vous que Saxon allait faire normalement en 2020? Normalement, 2020 pour Saxon allait être une année vraiment hyper chargée, puisque, bon, déjà, c'était les 40 ans du groupe, le groupe devait faire une gigantesque tournée et en profiter pour nous ressortir plein de pépites et des concerts vraiment assez grandioses. Et l'ami Biff Bifford aussi devait en profiter pour faire quelques concerts pour promouvoir son album solo. Mais tout ça, c'est tombé à l'eau. Est-ce que ça reviendra en 2022 à suivre? Enfin, toujours est-il que Saxon a voulu quand même montrer qu'il était toujours là et qu'il s'occupait. Et comme il ne pouvait pas faire un nouvel album parce qu'il serait resté confiné lui aussi, c'est cas de le dire, ils ont décidé de se faire plaisir et de faire un album de reprises que Saxon n'avait jamais fait. Bon, Saxon a fait quelques reprises dans toute sa carrière sur certains de ses albums, mais là, de faire un album qu'avec ce qui les avait inspirés pendant leur jeunesse. Donc on y retrouve des reprises des Beatles, des Rolling Stones, de Black Sabbath, Deep Purple, enfin plein de choses. Certaines sont prévisibles, certaines sont même moyennes, mais enfin, ce qu'on sent malgré tout, c'est le plaisir que le groupe a eu à faire cet album, vraiment, juste un petit apéro, c'est quoi, une façon de dire, salut les gars, on est toujours là, on est prêt à en découdre. Ben, sur ce Inspiration, moi, pour ce soir, je vous ai choisi, une des reprises que j'ai préférées, c'est le fameux classique de Toto, Hold the Line, à la sauce Saxon, et croyez-moi, ça leur va très très bien, on croirait même que c'est un titre qui a été écrit pour eux. grand retour de la légende germanique Accept et son nouvel album Too Mean to Die, sorti au mois de janvier dernier. Et c'était Overnight Sensation. Bah, Accept qui a perdu son bassiste Peter Baltes en 2018, qui était là depuis les débuts. Et qui, par contre, a récupéré un troisième guitariste quand même, excusez du peu. Bah, cette nouvelle formation, normalement, pourra la voir en concert, si tout va bien sûr, au mois de janvier prochain, avec Phil Campbell and the Bastardson, le groupe de l'ancien guitariste de Motorhead, et ainsi que Flotsam and Jetsam, et tout ça, ce sera au Bataclan. Juste avant Accept, aussi on attend leur grand retour. C'est Saxon qui en attendant s'est fait plaisir avec ses Inspirations, donc reprise de leur morceau de jeunesse. Et là c'était All the Line de Toto qui figurait au programme ce soir. Petit extrait de concert, on va revenir avec le live de Dream Theater Distant Memories Live in London, sorti au mois de novembre. Dream Theater qui était en tournée donc en début d'année 2020, et qui a eu la chance de pouvoir enregistrer et filmer un de leurs concerts juste avant que le premier confinement nous tombe sur le paletot. Donc celui-ci est sorti au mois de novembre, donc pour ceux qui ont assisté au dernier concert du groupe, le groupe jouait beaucoup d'extraits donc de leur dernier album studio Distance Over Time, et après pour les 20 ans de cet album mythique qui était Scenes from Memory, l'intégralité de Scenes from Memory. Là, je nous ai plutôt choisi un petit extrait, enfin, quand je dis petit, de l'album, dernier album studio. Ce sera Pale Blue Dot. D'ailleurs, si vous aimez Dream Theater, la semaine prochaine devrait ressortir un vieil archive, un concert de 2017 où le groupe interprétait l'intégralité de Images and Words pour un concert anniversaire au Japon. Et d'ailleurs, je crois que leur label actuel va en profiter pour rééditer, vous savez, ces official bootlegs qui sont sortis il y a de ça maintenant 20 ans et qui sont introuvables. Les Hits et Jam Records, où il y avait des concerts, des démos, des extraits de studio, enfin plein de trucs. Donc, si vous n'avez pas ces petites merveilles, donc à surveiller chez votre disquaire. En attendant, Pale Blue Dot. Et je vous rappelle que le 02 38 43 48 00, ça s'affole pas beaucoup pour l'instant. Enfin, vous avez encore une petite demi-heure pour ça. cet extrait du CD-DVD Distance Memories Live in London de Dream Theater, enregistré au mois de mars l'année dernière et sorti au mois de novembre 2020. Voilà. On va continuer toujours en live, mais là on va faire un petit tour à Saint-Quentin. On va se retrouver donc en décembre, de 6 décembre 2019, à la salle de la Manufacture. Et qu'est-ce qu'il y avait à la salle de la Manufacture? Ben, il y avait No Return qui fêtait ses 30 ans de carrière. Et oui, après 10 albums studio, il n'avait jamais fait de live quoi que ce soit. Il s'était dit peut-être que ce serait temps de faire enfin quand même honneur à, à la réputation scénique de ce pilier de la scène trash death française qui est là depuis donc 1989 quand même. Ils font tellement partie des meubles qu'on se rend même plus compte en fait. Donc ce live XXX pour 30 donc est sorti donc au mois de décembre l'année dernière et il regroupe donc des morceaux de toute leur carrière. D'ailleurs on va se faire un petit extrait de leur début avec Vision of Decadence. pas de quoi. Donc Memories, Victims of Decadence, c'est la petite intro New Mutants Massacre, extrait donc du Live 30 pour les 30 ans de ce pilier de la scène trash death française qu'est No Return. Un 11e album devrait sortir peut-être d'ici la fin de l'année, donc à suivre. On va calmer un petit peu le jeu maintenant avec une des... de ce qui a été un de mes premiers coups de cœur de ce début d'année 2021, le nouvel opus de The Dead Daisies. Alors The Dead Daisies, vous savez, c'est ce groupe de hard US composé de Second Couteau, enfin ça veut pas dire que les gars sont mauvais, hein, loin de là, de la scène musicale, un groupe un peu à géométrie variable d'un album à l'autre, voire même d'un concert à l'autre. On sait pas très bien quel musicien va être là suivant les dispos. Enfin, c'est plutôt un projet pour le fun mais qui se défend quand même pas mal du tout. Et là il se trouve que pas de bol pour le groupe, le chanteur John Corabi qui avait quasiment toujours été là, ainsi que le bassiste Marco Mendoza avait autre chose à faire visiblement. Et par qui il est remplacé? Le guitariste David Lowry, le leader du groupe, s'est dit tiens, pourquoi pas Glenn Hughes. Et du coup, du fait que Glenn Hughes soit là, ça a changé beaucoup la donne. Je crois que d'ailleurs il écrase tout de sa présence quelque part. Dès qu'il y a un projet, dès qu'il y a Glenn Hughes, on se dit tout de suite ah, ça y est, ça sonne comme Glenn Hughes. Donc The Dead Daisies maintenant sonne comme un album solo de Glenn Hughes, ce qui n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. Et cet album, je le trouve vraiment très très bon. Il s'appelle Holy Ground. Et je vous invite tout de suite à découvrir Like No Other Bassline. Et je vous rappelle qu'il vous reste encore une petite dizaine de minutes si vous voulez rafler un petit cadeau. Je vous rappelle 02 38 43 48 00. Your head, a little dog living on the inside. My two sides. Démo oublié de Led Zeppelin? Non, pas du tout. C'est le nouvel opus de Greta Van Fleet. Je sais, c'est le genre de groupe qu'on aime ou qu'on déteste. Certains disent que ce sera qu'un feu de paille, d'autres ce sera les futurs grands de demain. Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que depuis maintenant 4-5 ans, ils sont là, ils tiennent bon et malgré tout, c'est dû quand même costaud. Je dois avouer que j'avais accroché beaucoup le premier EP, le premier album un beaucoup moins, mais que ce deuxième opus qui est vraiment très épique et je trouve qu'il y a de très très bonnes choses. Donc c'était un extrait donc de The Battle at Gardenstale, le morceau Caravel. Juste avant Greta Van Fleet, c'était The Dead Daisies et leur nouvel album avec le Glenn Hughes Holy Ground Like No Other Bassline. On a encore le temps d'aller se faire, allez, juste un petit morceau pour terminer, allez, bah tiens, avec ce qui a été la grosse sortie de l'année 2020, avec un groupe qu'on n'attendait plus, le nouvel album de AC/DC, avec retour de Brian Johnson, de Cliff Williams et de Phil Rudd, qu'il l'eût cru après la fin de la tournée Rock or Bust, pour un album qui s'intitule Power Up, constitué de vieux morceaux qui n'avaient pas été repris pour Black Eyes Watch. Je dois avouer que j'avais été un peu sceptique, parce que Black Eyes, c'est pas un album que j'avais accroché plus que ça, et finalement, cet album, bah, il est quand même de très très bonnes choses. Enfin, quand je dis ça, il n'y a aucun mauvais album d'ACDC. Allez, Realize pour terminer ce soir. Et donc, il vous reste, allez, 3 minutes pour rafler un petit cadeau. Realize de AC/DC, extrait de Power Up. Voilà, ce sera donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, j'ai été ravi de vous retrouver, comme je vous le disais, après toutes ces mois d'incertitude. Voilà, c'est reparti. Bon, ben voilà, on a eu un bon petit échauffement. La semaine prochaine, ce sera encore plus fort. Ben, j'espère que vous manifesterez un petit peu plus la semaine prochaine, parce qu'il y aura toujours des cadeaux à gagner. Voilà. Ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis bien éclaté, en tout cas. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à affronter la semaine qui suit. D'ici là, moi, je vous dis une chose, écoutez plein de métal, bien sûr, et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Je vous retrouve mardi prochain, si tout va bien, bien sûr. Allez, salut à tous. De tant de sacrifices, tanta luta pela sobrevivência física, mental, económica e social, tanta tentação do salve-se quem puder.